depuis qu'on est ici, on a vu trois musées, visité des églises et des châteaux cassés. Tous les grands monuments, on les a en photo. Moi, j'aurais préféré visiter un McDo. Quand c'est vraiment trop loin, on y va en voiture. Comme on n'a pas de cassette, on écoute France Culture. Tout ça sans oublier les devoirs de vacances qui nous ont poursuivis au fin fond de la France. Attention mon chéri, pas tomber sur une pierre. Quand tu fais du vélo, regarde bien où tu vas. Ne te salis pas trop si tu vas jouer par terre. Et mets bien ton chapeau quand le soleil est là. Fais pas ci, fais pas ça. Comme dit la chanson, lâchez-nous les baskets, vous risquez l'explosion. Tous les après-midi, il faut se reposer. J'en profite pour lire ou bien faire mon courrier. Papy, mamie, vite fait, trois pages pour mes copains. Les parents sont contents, ça fait sérieux, c'est bien. Le problème à 15h, c'est qu'on est en pleine peau. Juste pour la balade et pour le sac à dos, y'en a vraiment assez, des cadences infernales. Marcher, dormir, marcher, c'est sûrement pas légal. Attention mon chéri, pas tomber sur une pierre. Quand tu fais du vélo, regarde bien où tu vas. Ne te salis pas trop si tu vas jouer par terre. Et mets bien ton chapeau quand le soleil est là. Fais pas ci, fais pas ça. Comme dit la chanson, lâchez-nous les baskets, vous risquez l'explosion. Dans un club, tous les jours où il pleut, l'animatrice est bien, elle a de longs cheveux. On y fait des émaux, et puis du macramé, du cuir, de la poterie. Bref, on n'arrête jamais. Vous allez voir un jour, on va tellement en faire que les vacances pour nous seront comme un enfer. Et que l'on attendra de retrouver enfin l'ambiance de l'école et son calme olympien. Attention mon chéri, pas tomber sur une pierre. Quand tu fais du vélo, regarde bien où tu vas. Ne te salis pas trop si tu vas jouer par terre. Et mets bien ton chapeau quand le soleil est là. Fais pas ci, fais pas ça. Comme dit la chanson, lâchez-nous les baskets, vous risquez l'explosion. Chéri, pas tomber sur une pierre. Quand tu fais du vélo, regarde bien où tu vas. Ne te salis pas trop si tu vas jouer par terre. Et mets bien ton chapeau quand le soleil est là. Fais pas ci, fais pas ça. Comme dit la chanson, lâchez-nous les baskets, vous risquez l'explosion.